L'absence. Les souvenirs qui résonnent dans mon esprit nourrissent seulement un cœur vide par ton absence. Le bonheur devenu tristose entre une boucle, que seulement ta voix peut inverser par des moments. En moment en épée trompeuse, une fois que je ne t'aimais plus, je sais qu'elle partira. Je me demande si tu vas aimer qui je suis, parce que cette personne que tu as vue avant de partir n'existe plus. Je le vois partir moi-même et connaître le silence au milieu de tant de bruit. Les tourments d'une vie quotidienne sans toi et les phrases constantes avec les « si seulement tu étais là ». Peut-être que la vie ne soit que les rêves compliqués d'un chien, mais je ne changerai rien à ces rêves compliqués. C'est très beau de te voir atteindre tes objectifs. Je suis heureuse de voir qui tu es maintenant. C'est l'équilibre, ce cœur vide qui pleure ton absence.